Oui, Étienne Boisserie, président de Sorbonne Université. Sur ce sujet que vous venez d'évoquer, et parce que j'ai l'impression qu'il y a de la confusion, je discutais avec beaucoup de collègues ces derniers jours au sujet de l'avis du rapporteur du Conseil d'État sur les questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été soulevées précisément sur la question de la LRU et en particulier sur les moyens de la violation de la liberté académique et de l'indépendance des professeurs et maîtres de conférences. Je pense que cette question prioritaire de constitutionnalité, si elle va jusqu'au Conseil constitutionnel et si le Conseil constitutionnel fait droit à la demande des requérants et invalide les dispositions de la LRU qui concernent précisément ces points, nous aurons marqué un grand point. Et en revanche, effectivement, si les dispositions actuelles de la LRU sont validées par le Conseil constitutionnel, sur ces points précis, je pense que très rapidement, nous en paierons les conséquences, sans doute pas dans cette législature, mais dans la législature suivante, si jamais 2012 ne devait pas apporter de changement de majorité parlementaire. Ou même si elle en apporte d'ailleurs. Hein. Donc je pense qu'on est, on est sur un moment, pas tout à fait sur un moment de bascule, parce qu'en fait il y a trois phases et on est phase 1. Le rapporteur au Conseil d'État considère qu'il y a question. Il est pas exclu du tout que le Conseil d'État statue dans ce sens-là et transmette au Conseil constitutionnel. Et là, il faudra voir. Donc on est à un moment important. En fait, je pense, et je travaille un petit peu sur ces questions depuis quelques semaines, je pense qu'on est à un moment important parce qu'on est au moment de la mandature, j'entends la législature, où les premiers effets juridiques potentiels des réformes qui sont mises en œuvre vont commencer à se faire sentir. Je pense qu'il faut avoir, il faut prendre la décision du Conseil constitutionnel, toujours sur cette question prioritaire de constitutionnalité au sujet de la retraite des anciens combattants, comme le premier signe de la possibilité d'inverser la tendance sur un certain nombre de choses. Nous entrons maintenant dans le dur. Le gouvernement va devoir faire face, d'une manière ou d'une autre, aux effets des recours qui ont été déposés sur un certain nombre de réformes qui ont été menées par lui-même et sa majorité depuis 3 ans. Sur ce sujet comme sur d'autres, et c'est un point sur lequel je reviendrai peut-être un petit peu plus tard si le temps le permet, nous avons, je pense, besoin de travailler, alors je vais un petit peu dans le sens de la question de la norme, je pense qu'il va falloir s'interroger très sérieusement, et je pense à ce que disait Christophe sur les présidents qui ne font pas la différence entre une loi, un décret, un arrêté, une circulaire et autres notes de service et que sais-je, il va falloir très sérieusement s'interroger et se pencher, organisations syndicales comme associations, hein, souvent l'université en l'occurrence, sur la question de l'élaboration de la norme au sens juridique. C'est-à-dire que nous devons nous poser la question. Nous avons les outils pour comprendre ce qui se passe. Nous avons autour de nous des collègues qui peuvent travailler sur ces questions et nous devons prendre ces affaires-là très au sérieux. Nous sommes en train de nous faire littéralement enfumer. Oui, parce que j'avais sollicité la participation à ce séminaire il y a très peu de temps parce qu'il me semblait que ça pouvait être intéressant dans le cadre du dernier séminaire de l'année et en vue de tracer des perspectives futures, d'évoquer quelque chose sur lequel on a travaillé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même à SLU, et puis le cercle s'est élargi avec d'autres organisations, des collègues, c'est-à-dire sur le sujet sur lequel on a travaillé essentiellement cette année, la mastérisation, la réforme de la formation des enseignants. Regardez la manière dont le gouvernement a procédé sur le plan juridique dans la mise en place des dispositifs relevant de la réforme de la formation des enseignants. Ça fait 3 ou 4 mois qu'on a vu à SLU que, tout simplement, l'ensemble de la réforme, sur le plan juridique, ne reposait que sur les décrets du 29 juillet 2009. À un moment où, je parle de février 2010, à un moment où absolument tous les collègues étaient convaincus que la réforme était cadrée, que les textes existaient, que les choses étaient pliées et que ça ne valait plus la peine de se battre. Si vous regardez les textes en vigueur publiés à l'époque avec une valeur juridique certaine, il n'y a que les décrets de juillet 2009. Et l'ensemble des collègues, universitaires, secondaires, primaires, considéraient que c'était réglé. Nous nous sommes fait, je ne reprends pas l'expression, piégés par un discours de l'évidence, de l'inéluctabilité de la réforme, alors que rien ne le justifiait. Rien ne le justifiait jusqu'à il y a une semaine, hein, puisque en 4 jours, le gouvernement a sorti 12 d'arrêtés, 2 circulaires et 1 décret, qui sont les seuls textes qui encadrent la réforme de la formation des enseignants, dont les effets vont se produire, ou se produisent d'ailleurs depuis hier, avec l'ouverture des inscriptions pour les concours de septembre, concours 2011, hein, de septembre 2010. Alors, sur la base de cette réflexion, et en s'entourant des avis de collègues, en élargissant un petit peu autour de SLU, il y a des collègues de Sud, on a aussi discuté avec des gens de la FSU, plus précisément du SNESUP, on a pris contact aussi avec la FCPE, nous avons choisi, d'ailleurs ça a été déposé il y a 2-3 heures maintenant, d'attaquer devant le Conseil d'État les circulaires et arrêtés qui, d'une part, pour les arrêtés, organisent la mise en place des concours, et pour ce qui est de la circulaire du 25 février, publiée le 1er avril, donc attaquable jusqu'à aujourd'hui, de l'attaquer concernant l'organisation des stages. Parce qu'il faut bien mesurer, alors ça ne fait pas partie, je ne vais pas rentrer dans le débat technique, tous les textes sont publiés à l'envers. C'est-à-dire que vous avez des circulaires d'application des arrêtés qui sont publiés la veille, des arrêtés, les arrêtés qui sont pris en application d'un décret qui sont publiés l'avant-veille du décret en question, c'est totalement aberrant sur le plan juridique, et je ne parle même pas des problèmes formels, et je pense que le Conseil d'État va bien rigoler quand il va voir certains éléments de la requête, parce que ça en est à pleurer. Ça en est à pleurer. Alors moi, je pense que nous devons, dans une perspective de convergence, et là je reviens sur ce que disait Fabry, moi je ne suis pas aussi pessimiste que Fabry sur le bilan plutôt négatif que vous avez, plutôt décevant, vous avez utilisé le terme décevant, sur la convergence entre les syndicats, les organisations syndicales et les collectifs ou associations. Parce que précisément, je pense que ce type d'action, puisque nous le faisons avec la FCPE et avec Sud Éducation, mais le SNESUP, enfin la FSU d'ailleurs, plus largement, reprend ce jour, peut-être que ça a déjà été déposé, je ne sais pas si, en tout cas ça sera déposé ce jour, pratiquement le même type d'argumentation, parce qu'en réalité nous sommes d'accord sur le fond, et la sortie, comme nous, d'une requête en référé suspension, parce que naturellement, toutes ces requêtes sont assorties d'un référé suspension, ça va de soi. Donc nous n'avons pas de problèmes de coopération entre organisations, entre collectifs, entre syndicats, chacun à sa place. Et je pense que ce qui est en train de se passer, si les requêtes différentes qu'on a présentées devant le Conseil d'État devaient produire des résultats, je pense qu'à la fois sur les collègues, ça montrerait le caractère non vain du combat, le caractère non vain de la réflexion sur la propagande gouvernementale et ses différents outils, et surtout ça montrerait la capacité des organisations plus ou moins représentatives, je ne compte pas SLU dans les organisations représentatives, je rassure tout le monde, plus ou moins représentatives de la profession, cette capacité à coopérer, à collaborer, dans des circonstances particulières, très larges, parce que là on a quand même toute la FSU qui y va, d'un côté, et la FCPE, Sud Éducation et SLU de l'autre, et les textes des requêtes sont pratiquement identiques, il faut être très clair, c'est un problème technique qui fait que les requêtes ne sont pas conjointes. Donc je pense que ça trace des perspectives pour la suite, mais je pense que nous ne pouvons pas faire l'économie d'une interrogation sur le processus mental qui conduit à intérioriser une norme qui n'existe pas.